Bienvenue sur Canal Sud de 92.2 FM ou canalsud.net. C'est un bordel infernal, c'est quoi? C'est nuisance. Le bordel infernal, c'est nuisance. Canal Sud, c'est la radio. 92.2 FM, c'est la fréquence. La date, je sais pas. Donc, renseignez-vous. Et la météo, il n'y a qu'à ouvrir la fenêtre et regarder sur le trottoir si c'est mouillé pour voir s'il pleut. Et s'il fait froid, vous aurez froid. Et c'est à peu près ça qui reste quoi, à faire. Et voilà. Et aujourd'hui, donc, il est 21h30. Et vous avez droit à une rétrospective analgésique, un tant soit peu cons, APS. Et toujours de la même envergure en direction de l'Azur. Donc là, l'Azur, ce soir, le thème astral de la nomenclature, c'est « Balance tes potes, sont des balances, balance-les ». Répète après moi, c'est pour apprendre le français. On est en CM2, donc il y a un recteur. Répète après moi. La machine ne fait pas l'alcool. Répète après moi. En rythme, s'il te plaît, en tapant des mains et en te boitant le cul avec l'anus. Ouais, sérieux, mec. Je sais pas ce que ça veut dire. Enseigne-toi. T'as 9 ans, tu devrais tout savoir. Donc ferme ta gueule. Maintenant, suivant. Suivante, d'accord, il n'y a pas de problème, on m'avait pas informé que la classe était mixte. Mélanger de quoi, on ne sait pas, c'est toujours un grand mélange que ce fatra là. C'est le grand tout, donc on doit en avoir peur, les conséquences sont placides. En tout, donc on doit en avoir peur, les conséquences, ça risque de péter. En tout, donc on doit en avoir peur, d'ici à peu près 3-4 répétitions, ça va s'encrader et on va plus rien comprendre. Ça y est, l'état est atteint. Est atteint jusqu'à présent parce que tarte dans ma poire, parce que non, j'ai tort, il faut toujours être derrière la console de mixage. C'est vraiment la faute du matériel de Canal Sud. Non, c'est pas vrai, c'est pas nous qui avons fait le matériel, c'est la faute à Rami ou à RP ou à Broadcast Console. En tout cas, c'est pas la faute à Micro Sennheiser ni à Horloge en plastique. Le standard est ouvert de Canal Sud à tout vert. Tant qu'il n'est pas rouge, ça veut dire que personne n'a appelé. C'est vraiment important de savoir. Le standard est ouvert. Peut-être que vous avez gagné une chance de passer à l'antenne. Voilà, c'est ça, appeler. C'est super important. C'est cool, hein. De savoir. On va arriver un peu plus avec mon connerie de plus. J'ai gagné une chance. Chef de Jean-Marie Aguilar, qui est un peu coluche. La vadrouille, c'est cool, de finesse. Ça va. Tout ça en rythme, évidemment. On peut pas faire de rythme. Faut pas. en enfer, un peu d'érotisme dans ce monde de Brat, de Bram, pardon. Dans un monde de Bram, un peu d'érotisme. Ouais, ça c'est l'érotisme. Ouais, je sais. C'est bizarre, hein, l'érotisme. C'est le vendredi 13 aujourd'hui, donc bonne fête à tous les 13, hein, n'est-ce pas, 13 bonne fête à toi, Saint 13, et merci pour ce vendredi. Donc shalom à tous les Shabbat, et aussi le vendredi, ben, on sait ce que c'est, hein, c'est la prière, donc et à vous tous. Vendredi 13, le jour du Seigneur, Saint Signoir, je ne dirai pas de nom, hein, vous savez de qui je parle. Laurent compte que parfois, seulement parfois, les choses mentent. Les choses mentent quand le mensonge est proféré. Les choses mentent quand c'est nous qui proférons le mensonge. Les choses mentent car quand proféré par soi, ça devient le soi que les choses, et là réside l'ignorance du mensonge, l'erreur, l'égarement. Mais bon, je suis où? C'est vrai. Tu me prends pour qui? Non, moi n'est pas, car plus non moi que moi. Moi, c'est une inclination, une pente ardue vers la nécromancière, nécrophysique, mort. Thank you. On écoute Mu, donc Mu c'est une œuvre intéressante au plus haut point. Elle consiste essentiellement en data error qui prennent la tête et que c'est vraiment énervant et que c'est difficile à écouter. Donc voilà, Mu c'est une œuvre vraiment intéressante. On peut vraiment arborer, aborder d'une certaine façon, une façon intéressante, parce que c'est une œuvre. Je veux dire, c'est une œuvre, ouais, monsieur, dame, nuisance. C'est une œuvre aussi, mais là c'est Mu qu'on écoute, parce que Mu c'est une œuvre intéressante, on sait jamais, ça peut vous intéresser d'écouter un truc intéressant pour changer. Et c'est composé essentiellement de data error, donc on pourrait aborder le sujet d'une certaine manière ou d'une autre, on sait jamais, encore finalement, c'est d'écouter un truc intéressant pour changer. Et c'est composé essentiellement de data error, donc on pourrait aborder le sujet d'une certaine manière ou d'une autre, on sait jamais, encore finalement, c'est d'écouter un truc intéressant pour changer. Thank you. N'est pas de celle dont on dit qu'elle est belle, c'est une histoire de mort et de vie, donc de mort et de souffrance absolue comme valeur absolue. La valeur de la souffrance est absolution complète et totale. Est-ce itérant que la façonnance d'une forme tranquille? Qu'est-ce que la forme de l'être quand on ne l'est pas, cette forme-là? Ou plutôt, qu'est-ce qu'être la forme si l'on ne l'est pas, cette forme-là? En cas de forme, précisez laquelle. Et comme je disais, morbidité, auto et non-auto-agression, je me sens tricheur avec mon identité comme je puisse l'être, identitaire, identifié, identifiable, identifiant. Plutôt que de pleurer ou de me détester, je choisis d'être calme. Mais je pleure et craque avant de pouvoir avoir à me calmer. Je ne me sens plus perdu. Aujourd'hui, je suis autonome des autres pour beaucoup de grandes et belles choses, mais également pour les mesquines et laides choses, c'est-à-dire. Je me sens ridicule d'être, et je m'accroche. Simple et vaine métaphore, il me semble, mais je me trompe. Qui d'autre pourrait donc me tromper? Elle est métaphore, tout comme lui. Il n'y a pas de « il » ou « elle », mais « il » et « elle » en vue du but. Comme moyen, le lien affectif-humanisme me paraît être une solution envisageable, car tisserant d'une caractérisante qualité ce moyen-but qui devient atteint et devient moyen-moyen en vue du but. Bouddha Sakyamuni dit « fais une chose à la fois ». Lao Tzu, le voyage de mille lieues commence par le premier pas. Jim, patience est mère de sagesse, prudence est mère de sûreté. Al, je sais que je vais y arriver, simplement, bêtement, le désespoir surgit par doute qui lui est apparu par mon désir, j'ai oublié, l'espoir mène droit au suicide. Le voyage est dans l'inespoir. Comme il ne sert à rien de désespérer, avancer, ou pas après pas, et comme l'on apprend de la marche, où est Bouddha, sutra du cœur, avancer, avancer et avancer encore, tout ça pour te faire cet aveu, je suis coupable de bêtises. Pardonne-moi s'il te plaît, je suis pas con, mais quand même, des fois, je me demande si enfin bon. Coming back, damn it, should I? Do you want me enough so to convince me? Damn it, shit, should I? Could I know? Lost my pen with a thought, new one ending. Ending the shit I'm doing to myself, good. Ending it finally, end of it, end. This is where and when and now shit, this is when, where, whatever it overs with, over. Je me démange le grattement qui me parle après coup. Et d'ici à là-bas, fini, fini, c'est sûr, jusqu'au bout. En ratance, de quoi que ce soit, certitude suffisamment seulement bon. Il est dit, il se dit, l'adverse comme une non. Étonné, étant donné que c'est donné, alors voilà, c'est comme ça. C'est incité. Suchness of things which are. Thusly, suchness ainsi règne en maîtresse. Se règne le sentiment sur l'humain, le sentiment règne l'humain. Régenter est un moindre mot que la non-métaphore. L'idée absconce qu'un territoire, quel qu'il soit, ne puisse pas faire obstacle, affront à un autre territoire. Si tant est qu'il y ait territoire, si tant est que territoire soit la justesse de verbalisation condamnatoire, directiviste qu'il faille employer, etc. Et c'est quand? C'est quand qu'arrive le bel fin homme que je suis? Quand? Alors ça vient plus vite. Je me calme, ça y est, je suis calme, me calmant en douceur, tendrement, silencieusement, ça y est, je respire. Les larmes ne sont plus, ça y est, j'y viens maintenant, c'est fait. Things change like verbal formulation of vague non-impressions. Non-impressions which are, as so often, non-non-real, no. The writings on the wall cover time as in rancid matter covered by more rancid to be matter. And worse, matter of factual evidence, non-thinking has been attained. For how long? Who's to know? Who's to know? Shit, honestly, I don't know. What the hell? Utilitarian, materialistic state of mind could call what I'm calling or say what I'm saying, no. Test. Verbal stating of what seems obviously here, there, everywhere. Anywhere is what I'm using as for medium. The supporting receiver recorder of the medium is of a somewhat smooth, feather-like, easygoing shape of quality. Main quality. Lost it, in it, that's what, and to say the worst, I do not know, wish to be of the world, and am, so be it. The rancid, this colorful, random nature kind, maturity of somewhat, to this day, and so, and thus, tis so be it, good. Now, let's eat and drink to damnation. Et maintenant, bien, à présent buvons et mangeons à la damnation ou à damnation, oui les deux, tout, oui, tout, à toute la damnation, flopée d'âme perdue, choquée, cloquée, morte, livide, blé, moi, oui, livide, blafard, blême, moisi, moi, les mois qui passent, les mois qui geignent et gémissent le présent, se faire chier est un luxe que je ne m'offre pas, je crois. C'est déjà ça, oui, je crois. Écriture de toute foulée existante possible, imaginablement et praticable par soi, de son niveau. Merde, suis-je vanité égoïste? Oui, sûrement. C'est tant mieux que je m'accroche à la non-rivalité avec moi-même et les autres. C'est bien, et c'est bien ainsi que la forme de conflit qui me reste, que je souhaite qu'il soit tendre, donc humain. J'y arriverai. Confiance, conviction, chaleur, vie, ce que j'aime, oui, et ce n'est pas plus dont j'ai besoin, pas plus. Passing the flame to someone is always difficult. Cliché. Coming back, could I possibly be able to exploit these? Could I? Ah, I hate so frustration of object of desire not obtained. Shit. Damn it, screaming about won't do it, no. Talking, thinking out, expliciting self to self, the freedom of practical execution of self, get riddings of it all that disturbs, I mean, and disturbingly does it, self-explanatory, ça va de soi de s'exprimer par tous les moyens imaginablement bons, alors allons vais-je, je vais, oui, c'est décidé, clair et obstruant. Que reste-t-il? Le reste qu'il reste et je vais. Alors d'ores et déjà, comme il le somme, elle avons-nous toujours, comme je, de bonnes excuses. Je suis un abruti, je suis bête, con, difficile, etc., etc., etc., etc. Réflexion, réfléchir, la lumière mérite cette torturante machinale, semble-t-elle machination toute illuminante progression qui peut finir, je radote, certes, exagération de l'affect. Qui, soit disant, se doit d'être dit mien, aura, âme, fluide, onde, etc., et caetera. Rien à dire, rien à écrire, sauf le reste. Writings, écrit, 10-03-2015, 4h45 du matin, end of message, 10-03-2015, 19h25, never mind the evermore. Nems, hamburger, bullshit, anything but nothing to get one's teeth on. Anything but nothing. Spare. Desperate. Fuck that. No way. Out of a way. Only infinity existing. No eternity. Give that bull. Away with that bull. Out of here, bull. Away with you, bull. Heap. Quit that bull crap, bull heap. Go to hell. Alors traduisons. Ce ne signifie rien qui m'aille, sauf effort dans le passé. Il y a donc prendre appui, racine sûre dans le passé. Il y a ne me rien qui vaille maintenant. Des virages. Il y en a eu, il y en a. Il y en aura, c'est sûr que sûrement. Le la plus tranquille de tous et toutes, c'est tout. C'est. Les absurdes ambitions cité meurent. Pendant ce temps, un autre goéland se fane le long d'un gange en plastique, lisse, cassant, doux, en dents de scie. L'avenir, quoi. L'avenir se présente sous forme de fond de synthèse. Nécro, bio, nécro non bio synthèse, coordonnée par un amalgame. Ou peut-être. Abalgabé, de suicidure sur les pavés genre plage et tout, ne suffisant certainement jamais, no comment, yes, just, is all needed, shut up, shut up, shut up it all, shut up, shutting damn it, shutting up, up open for all I care, green is all, so there, here is going on again, for this a while, this moment, instanting on, inertia, doing its job, comments, and verve, will, flowers, and damning shit to hell, that's gotta have to gotta do with it, yes. Carnations give lullabies, sweet goodbyes, 1990s. Thank you. Thank you. écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Yeah.

écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Nuisance, l'émission de tous les non-sens, l'émission qui nuit au sens, l'émission de la nuisance. Nuisance. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, téléphone le 05 61 53 36 95. Je répète, le 05 61 53 36 95. Un site internet, le www.canalsud.net. Si vous le saviez pas, nous sommes le vendredi 13. Vendredi 13, quel jour de bonheur aujourd'hui. Nuisance bat son plein. Partout, il y a des gens et tout dans le monde et tout. Plein. Des gens et tout dans le monde et tout. Plein. Des gens et tout dans le monde et tout. Plein. Des gens et tout dans le monde et tout. Plein. Des gens et tout dans le monde et tout. Des gens et tout dans le monde et tout. Des gens et tout dans le monde et tout. Des gens et tout dans le monde et tout. Des gens et tout dans le monde et tout. De temps à autre, ils se transforment, ils sont fouxaliers. Marcus Saint-Peter. Marcus Saint-Peter. Marcus Saint-Peter. Oui, j'écoute. No.

Nuisance, c'est fini. Nuisance pour le vendredi 13 janvier 2017. Une bonne année à tout le monde. Voilà. Thank you.